De la Bébélière à Thérèse, 28 août 1897. Chère petite sœur de Jésus, vous avez dû penser qu'aujourd'hui je vous suis tout particulièrement unie et dans quelle âme nous nous sommes rencontrés. Votre sainte mère, Madame Martin, vous a vu avec plus de complaisance que de coutume, voyant que vous allez être réunis bientôt à elle et à son bonheur. Timidement, je me suis présenté à elle, réclamant une bénédiction et la priant pour vous. Sans doute, chère petite sœur, vous avez entendu sa voix, plus rapprochée et plus pressante vous appelant, vous réclamant et vous lui avez dit, à bientôt, car le moment approche. Chère sœur de mon âme, vous allez partir pour votre vraie demeure, à Lourdes. Je n'ai pas demandé votre guérison, j'ai prié la douce reine des vierges et des martyrs de vous aider dans vos derniers préparatifs et de vous ouvrir le ciel. Je ne sais pas prier, alors j'avais sollicité d'être brancardier des pauvres malades et je le faisais pour vous, souvent en les transportant à la grotte, aux piscines, ma pensée allait vers vous et remontait vers Marie, disant, Mère, c'est pour ma sœur Thérèse. S'il m'arrivait une petite souffrance, c'était pour vous. Dimanche surtout, j'offrais même les souffrances des malades pour vous et quand le Saint-Sacrement passait tout près de moi, bénissant cette foule de malheureux qui l'entourait, je l'implorais ardemment pour vous. Voilà quelle a été ma prière, et quand je voyais ces malades que, quelques heures avant, j'avais porté dans mes bras, presque sans vie, horribles quelquefois dans leur maladie, assainis, guéris, formant l'escorte d'honneur de Jésus. Je pensais à vous, souffrant sur votre pauvre grabat, pour demander à votre époux une consolation, une dernière préparation, une tendresse de plus pour vous. Ma prière a donc été surtout de l'action. Mais cette prière affective que le bon Dieu aime aussi, que je ne sais pas, vous me l'apprendrez, petite sœur, quand vous serez près de moi. Je savais bien que vous n'aviez pas encore quitté la terre, car je n'avais pas ressenti cela dans mon cœur. Merci, petite sœur, de votre souvenir de fête, de la pensée dictée par votre cœur. Merci à la mère Agnès qui l'a écrite. Merci à vous des quelques lignes tracées, les dernières, chères et précieuses avec la sainte prière que vous aimiez tant. Merci de cette nouvelle tendresse. Chère petite sœur bien-aimée, le langage de la terre vous est une fatigue. Votre indigne et misérable frère ne saurait que vous distraire de Jésus. Il vous dit de nouveau, adieu, à revoir. À toujours union d'apostolat et d'amour à Jésus, je suis résigné, vous voyez, et aspire presque, quelquefois, à cette union plus intime que votre Jésus nous prépare. À jamais dans son aimable cœur, votre frère Louis. J'aurais désiré vous rapporter quelques souvenirs de Lourdes, votre pauvreté m'a retenu, je n'ai rien. Que ma prière qui ne vaut rien sans générosité, sans mérite. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.